stats. Mes nègres sont en bataille. Ses cheveux sont en bataille. Mon savoir est un galage. Mon cercueil est en prada. Elle veut danser la bikini. Apprenons l'harmonie.